Bonjour. Direct samedi, le 29 octobre 2022. Donc, comme à mon habitude, j'essaie de, bon, faire mon direct le samedi. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Ça, je ne le sais pas. Mais à date, il n'y a personne. Mais ça devrait rentrer bientôt. Je suis curieux de voir qui va être là. Je suis curieux de voir qui va être là. Bonjour Mimi. Bon, Lindus, Martin, bonjour. Bon, ben, Chris, tout est correct. Donc, Daniel, ah ben bonjour. Daniel Pinard. Bonjour Mimi, oui encore. Oui, je t'entends bien. Bon matin, Eric, Lindus, Virginie. Bon matin, comment ça va? Ça va bien, ça va pas mal tout le temps, stable. Ça va ni bien ni mal, c'est comme ça depuis longtemps. Aurélie, bonjour, Martin, Jean-François, Marie-Ève, Mimi. OK. Donc, bon, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler? Donc, non, savez-vous ce que je regardais ce matin? Je regardais un monsieur qui était dans les Farfadets. J'écoutais ça. Puis, ouais, on s'est spécial. Un autre Daniel Pinard que celui qui était à faire des recettes. Moi, je m'en doutais un peu. Je serais bien surpris qu'il vienne m'écouter, lui. Ce serait bien surprenant. Non, puis c'est ça, j'écoutais le monsieur. Puis, il l'appelle Papy, je ne le connaissais pas. C'est un des plus vieux qui était dans les Farfadets. Puis lui, il est parti de ça, ben, on dirait, semble-t-il. Je pense qu'il est peut-être encore. Je pense que lui, c'est un artisan. Il fait de la tannerie. Il fait de la maroquinerie, là. On va dire ça comme ça. Il est un cordonnier sellier, comme ça on peut dire. Puis c'est lui qui fournissait les vestes, là. Ont l'air des vestes de biker, là. Il a l'air de dire que il y a une structure sectaire là-dedans, des Farfadets. Bon, je suis un petit peu sceptique, là. Mais finalement, l'écouter, il dit ouais, lui, là. Il dit, ben, c'est super hiérarchisé. En tout cas. Là, il a sorti une phrase, moi, qui m'a frappé, c'est si vous êtes contre, si vous êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. On reconnaît, hein, on reconnaît des affaires. Non, non, si la cause est juste, même si vous êtes contre moi, moi, je vais être pour vous autres. Voyons donc, c'est quoi ça? En tout cas, on entend ça souvent ces temps-ci, hein? Puis bon, même des fois, c'est tellement brillant l'événementiel que ceux qui sont contre nous sont pour nous. On s'en rend pas compte. Bon, un autre moins. Tous les folklores sont de retour. Moi, je n'appellerais pas ça du folklore, là. C'est plus de la sous-culture. En tout cas. Ah non, il paraît que c'est spécial, hein? C'est spécial. Bon. À quoi voulez-vous qu'on s'attende? Qu'on s'attende avec des affaires de même. Moi, ça me fait penser au chevalier de Colomb un peu. Genre le côté hiérarchie, le côté habillement, le côté charité, là, entre guillemets. Puis bon, il y a tous les éléments d'une patente, comme il dit le monsieur. Ça ressemble à ça. En plus, bon, là, il se restera à savoir s'il y a une doctrine centrale. En tout cas, il a l'air d'un donneur de directive à lui. On va vous le dire tout de suite, moi, ma directive, c'est achalez-moi pas, puis arrangez-vous. C'est une façon de parler, mais c'est pas mal ça. Mais je regarde ça, je me disais, ouais, c'est spécial. Là. Ben, moi, je trouvais pas ça intéressant, juste au niveau de l'apparence, pas fort. Par rapport à une guerre d'image, hein. Ben, eux autres, ben, ils vont servir à faire perdre la guerre d'image à toute personne qui s'oppose quelque part, un petit peu. Ça aide pas. On dirait On dirait des bikers là, des films des années 70. C'est sûr que c'est pas. Bon, un coup donc. Mais là, c'est l'avion a l'air d'avoir du fun, puis ils se réunissent entre eux, puis. Bon, il y a toujours des aspects comme ça, ou un petit peu positif, mais c'est pas sans rappeler d'autres affaires du même genre là, que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Bon, ben écoute, c'est pas bien grave, hein? Ça va s'essouffler, c'est tout. À moins que ça persiste puis que ça dure dans le temps, on verra. De toute façon, possiblement qu'il va arriver des choses, puis ça va être. Ça va être. Comment je pourrais dire ça? Ça va être un préalable à densifier des choses comme ça. Dans le sens que, bon, ben, une mauvaise graine, ça pousse dans une mauvaise terre, puis quand ça va pas bien, ben, on dirait qu'il vient au monde plein de petites mauvaises herbes comme ça. Puis là, je dis pas ça méchamment, là. J'ai écouté aussi, c'est David Lévesque. David Lévesque qui avait écouté, il faisait un appel, là. Par rapport à une vidéo qui a été publiée, l'appel aux Jedi de la Terre. OK. Ouais. Ben là, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, lui? Bon, OK. Allez-y. Moi, je m'oppose pas. Monsieur Glenn va quitter le Mont-Saint-Hilaire à cause d'événements qui s'en viennent. J'imagine que c'est un peu comme quand Monsieur Deflore a quitté le Québec parce qu'il s'en venait une pluie d'astéroïdes. Ouais. En tout cas. Mais non, là, ça devient bizarre, là. D'ailleurs, il y en a qui aiment faire de la radiesthésie, étudier des cartes, là. Vous regarderez ça, le Mont-Saint-Hilaire. Vous regarderez ça. C'est spécial, hein? C'est des coins spéciaux. Mais là, il quitte, j'imagine, pour aller plus au nord. Il dit qu'il veut fuir les grands centres. Il y a Joe l'Indigo qui est rendu dans mon coin. Là, on va se ramasser avec Glenn. Tout sera bossé ici. Moi, justement, qu'il y ait des sectes, puis qu'il ne veut pas être dans une secte, va me ramasser involontairement, entouré de. Ils partent des Laurentides, puis ils viennent ici. La psychose, ouais, ben la psychose techniquement, c'est une perte de contact avec la réalité, mais là, il y a un narratif interne, donc ça reste plausible si on reste dedans. Le problème, c'est plus ce que j'appellerais du délire. Un délire, c'est dès qu'on en sort, là, ça devient. C'est pas rassurant, lui qui demeure depuis longtemps, ouais. Fait combien de temps qu'il reste là, lui, 45 ans? Dans son bungalow des années 70, là. Bon, il devrait trouver chaussures à son pied. Il y en a en masse de ça ici. Mais je ne sais pas, là. C'est vraiment dans mon coin qu'il vient. Mais ça se peut. Ça se peut. La ville où je suis, on a des nouveaux arrivants, mais de tous les horizons, depuis 2 ans, c'est très étrange. Très, très étrange. La population a complètement changé. J'en vois des gens qu'on voit qui viennent pas d'ici, là. Ben, je veux dire, on le voit tout de suite. Comme j'ai des voisins, c'est un couple de Montréal, puis eux, ils ont pas eu à discuter avec eux autres pour savoir d'où ils venaient. Je l'ai vu tout de suite. Ils n'ont pas la mentalité du coin. Ils n'ont pas les codes non plus, hein, la façon d'agir. En tout cas, là. Moi, c'est la dernière affaire que je voudrais, là, c'est que tout le monde qui a une certaine affinité se ramasse autour, là. C'est là que ça devient dangereux. Parce que moi, je veux avoir la paix. Je veux avoir la paix. Mais ce monde-là aussi. Donc, bon, il faut dire que je suis chanceux. Je suis dans un coin très paisible. Puis les gens, ben, ils me crissent la paix. Ils ne m'achalent pas. En tout cas, t'es drôle, toi. Bon. Tant mieux. Il y en a qui disent que j'ai pas le sens de l'humour. Que j'ai pas l'air d'avoir le sens de l'humour. C'est déjà plus prudent. Mais non, bon, y avait-tu des choses, là? Y avait-tu des choses par rapport à tout ça? J'avoue que c'est spécial. Parce qu'il y en a qui l'ont vu, la sortie de Papy, les Farfadas. Il paraît que quand on va, j'ai monsieur, l'artiste, là, que. Lui et sa femme, ils ont des fauteuils, excusez-moi, des trônes, on n'a pas le droit de toucher à ça. Puis bon, déjà là, moi qui aime tellement m'asseoir par terre. Puis ça, il y a de la forme et des E.T. Ouais, ça, c'est plus. Bon. Dans le coin du Mont-Saint-Hilaire, peut-être. Non, eux autres, c'est d'autres choses. Prisonnier de la forme, oui. Moi, je ne veux pas écouter ça, là. Son of Anarchy, là, ça ne m'intéresse pas des affaires de même. D'après moi, eux autres, ils ont écouté ça parce que ça fait partie de leur culture. C'est ces formes-là. Ces formes-là que moi, vraiment, j'ai bien. Bon. Ben, du monde arrangé de même en personne, là, je ne leur parle pas. Je passe à côté du point mot. Même si j'avais affaire à eux autres, je ne leur parlerais pas. Parce que, bon, c'est des codes vestimentaires, on dirait, ils veulent pas que je leur parle. Fait que, bon, parfait, restez. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise, hein? Version Québec Inc. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est une entreprise quelque part. Moi, je le vois comme ça, je veux dire, les farfadeurs. Bon, ben, tu sais, l'affaire avec des dons, c'est que tu n'as pas à les déclarer. Ben, tu t'es déclaré pareil, mais tu ne paieras pas d'impôts. Puis là, supposément, c'est pour les recrues puis les oubliés. Pour ça, je vous dis, ça me fait penser un petit peu aux chevaliers de Colomb qui ont leurs attricures puis leurs petites pines. Puis... Bonjour, Steve. C'est pas. OK, il y a juste un E. Bon. Mais, des fois, on n'est pas sûr, on fait le saut, là. On se dit, ouais, il peut arriver n'importe quoi. Ben, ça se pourrait, là, qui choque. Ben là, comme dernièrement, là, c'est comme l'image qui avait été utilisée. Plutôt, j'ai regardé la suite, qu'est-ce qui a été publié après, puis c'est un enfer sur le Saint-Sauveur de Turin. Vous savez, moi, que le Saint-Sauveur de Turin soit faux ou vrai, ça change absolument rien à ma conviction, absolument rien. Puis quelque part, c'est ça être prisonnier par la forme, dans le fond. Il y en a, sont plus en relation avec des supports qu'avec l'absolu, on peut dire. Donc, bon, c'est correct. Le Saint-Sauveur de Turin. Voyons. Qu'il soit vrai ou faux, ça change quoi au niveau de la conviction? Ça change quoi au niveau de la foi? Faut dire, faut vraiment pas avoir une foi solide. C'est un détail de même vient branler. C'est un petit peu comme il y en a, ils dorment avec une veilleuse. Bon, moi, j'ai jamais eu besoin de veilleuse. Puis, bon, tu sais, même s'il fait noir puis que tu le sais que la lumière existe, tu t'en fous. En tout cas. Les farfadraft, la farfadraft, moi. Ben, je t'ai-tu vu ça, l'oiseau moqueur, le papy? Papy fait de la résistance. Je savais pas, honnêtement, pour leur histoire de hiérarchie, si ça les amuse. Ouais, c'est spécial. Ben, il y a un noyau, puis eux autres, c'est eux autres qui décident les directives, puis les règlements. Les règlements. Puis quand c'est voté par le noyau, toute la base faut qu'ils se soumettent. C'est de même que tu reconnais une affaire de même. Donc, ouais. Ouais, c'est, je veux dire, déjà, là, de s'être fait traiter de secte, là, dernièrement, puis après voir des affaires de même. Ouais. C'est ceux qui parlent de secte, qui souvent, qui sont des. En tout cas, rendu où on est, tout est envisageable. Ben oui. Ben moi, je m'attends à n'importe quoi. N'importe quoi. Il peut arriver n'importe quoi. Mais vraiment, je m'attends vraiment à n'importe quoi. Tu me dis ça tout le temps, du n'importe quoi depuis toujours. Salut Bertel, tu devrais regarder les deux commentaires que j'ai laissés sur ta vidéo Géométrie oscillatoire. Ah, ben, j'irai voir, c'est parce que souvent quand je publie une nouvelle vidéo, je vais moins voir les autres. Donc, bon, une fois que. Mais oui, je devrais aller voir. C'est pas de quoi de. Ça dépend, là, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Parce que là, c'est pas une affaire, c'est pas comme, on n'est pas dans des formules juste comme, il y a déjà eu comme du mysticisme, là. On est dans des formules qui peuvent être appliquées à toutes sortes de choses. Mais là, c'est pour ça que moi, j'ai tout teinté bien discret avec ça. J'ai compris tant de ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a des compréhensions possibles à l'infini, ça va tout être bon. Ça va tout le temps être bon. Ah, oh, c'est vous qui m'avez dit que j'avais dessiné un retard. Bon, pas un retard, un tort, c'est ça. Oui, mais comme je vous dis, c'est parce que ça peut s'appliquer à tellement d'affaires. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Mais il y aurait moyen de faire un retard avec ça. C'est juste au lieu d'enrouler le fil d'une certaine façon autour d'une bobine, là, c'est un cylindre. Le fil est entouré de... Bon, j'ai moyen de faire des choses très, très dangereuses. Pour les farfadets, ce qui s'est passé à Ottawa, camionneurs avec l'arrestation a provoqué le gouvernement. Ben, moi, je les vois comme des idiots utiles un petit peu. Parce que là, c'est sûr que, bon, quand il y en a qui disent, ouais, mais les anti-vax, c'est des ci, des ça, ben là, c'est normal qu'ils pensent ça, le monde. En tout cas, Glenn dit qu'il parlera en décembre de là à ce qu'il crée un mouvement de panique en même temps qu'il écoute Glenn. Bon, il y en a pas mal qui l'écoutent. Ben, plus que moi, là. Mais le public à Glenn, il est différent de mon public. Moi, je suis bien content de... Bon, bonjour, Saul. Je suis content du public que j'ai. Mais là, il faut dire qu'on a mis beaucoup d'efforts, là, pour pas avoir des ésotéristes, des affaires de même, là. Mais non. Ben là, ces temps-ci, j'écoute un petit peu aux échangés, là. Francis, j'avais remarqué, mais je l'avais pas écouté jamais vraiment. Pas vraiment. Plus je l'écoute, plus. Là, je me suis mal écouté. Je dis, bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, c'est le 24 février 2023 que parle Glenn. Oui, il y a la même date que d'autres. Donc, on peut voir là une induction. Donc, s'il y en a plusieurs sur Luberlu qui parlent la même date, c'est parce qu'il y a une induction par des gens qui ont intérêt à ce qu'on s'attende à quelque chose. Puis, moi, si je m'attends à quelque chose par déduction, pas par induction, ça fait comme le contraire. Bonjour, Marie-Jeanne. Chat, oui, bonjour. En tout cas, je suis pas l'oiseau moqueur. Tu l'as-tu vu la vidéo, papy? C'est spécial. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ta vidéo, tu parlais de Steve l'artiste, bon. Mais là, le monsieur, là, ce qu'il dit... Ouais. Le pire, c'est que, bon, ça va brasser un petit bout parce qu'il y en a un qui a fait une sortie. Soit on va avoir une vague d'un paquet de monde qui font des sorties puis qui en parlent aussi, ou soit ça va continuer. Puis ça va être le contraire, il va y avoir de l'antagonisation, puis là, ça va être, selon la logique, ceux qui sont pas pour moi, ils sont contre moi. Fait que là, il va y avoir des clics. Fait que là, on va peut-être voir des mouvements parallèles. Ils prendront le nom qu'ils veulent là, les gnomes. Bonjour, je lâche mon ménage pour vous écouter. Ah ben là, je sais pas si ça vaut la peine. Non, mais papy, j'en ai déjà fait une sur lui. Ah oui, ben ça a l'air d'un bon bonhomme. Ça a l'air d'un bon bonhomme. Ben, ta dernière vidéo, j'ai été mettre le lien. C'est un témoignage surprenant. Surprenant. Ben là, il reste que d'un autre côté, on n'est pas surpris. Moi, je suis pas surpris là d'entendre ça, l'affaire que bon, les déjeuners. Au début, c'était des déjeuners, c'est-à-dire ça commence tout le temps de même, c'est-à-dire de quoi qu'il y ait de l'allure, genre faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire le monde, ils mangent ensemble, puis c'est communautaire, puis tranquillement, sont des acteurs, ouais, mais pas tous, je veux dire, ça pourrait être des membres d'une patente pour créditer un mouvement, c'était pas juste des acteurs, là. Parce qu'ils ont été, comme il dit, le monsieur, ils ont été en mode recrutement un bout. Donc, ouais. Il était sur la rue, là. comme les scientologues. Mais peut-être pas la même affaire tout à fait, là. Tant qu'ils vont pas de porte en porte, ça devrait être pas si pire. Donc, oiseau, vous avez vu sa vidéo. Je me suis dit, j'aimerais voir votre tête quand vous voyez cette vidéo. Bon, pas mal tout le temps, même tête. Bonjour, Trinity. Pas mal tout le temps, la même face, un petit peu impassible là, quand j'écoute quelque chose. Mais bon, ils font du biker style, ouais. Ouais, ben c'est ça, ils racontaient ils se réunissaient pour déjeuner. Et que finalement, tranquillement, c'est devenu des réunions plus formelles. Puis là, il y a une hiérarchie. Il y a le noyau. C'est eux autres qui passent au vote, le noyau. Dans le fond, on pourrait dire le collège des cardinaux de Steve l'artiste, là. Eux autres, ils passent au vote, puis après ça, la hiérarchie en bas, il faut que les décisions, ça, c'est le règlement, puis bon. Puis, il a l'air de dire, ils font le souper, le déjeuner le dimanche, ben, c'est comme des brunchs, des petits brunchs. Puis, supposément que M. Steve Lartis puis sa conjointe, ils se font servir, puis qu'ils n'ont jamais vu, même pas revirer un œuf. Là, il chiale, là, il regarde le pote des dons, là. Oh là, vous avez donné en moyenne 3 pièces chaque, là, c'est pas assez. Sais, je veux dire, c'est le monde qui amène la bouffe, là. Le monsieur Papy dit, j'ai amené 3 livres de bacon, puis on se fait chialer après que on donne en moyenne 3 pièces par personne. Ben, vous l'avez, là, la hiérarchie. Parce que moi, ce que je appelle l'intersubjectivité psychosociale, les forces sociales, le côté meute, le côté animal social de l'être humain, ça ressort tout le temps. Puis il se crée tout le temps une hiérarchie de même. Puis il va tout le temps, dans le fond, c'est ça. C'est comme un troupeau de cerfs, là, quand c'est le temps du rut, là, la hiérarchie. S'ils étaient sérieux, ils en parleraient pas. Ça dépend de quoi. Ben moi, je n'avais jamais entendu parler de ces aspects-là. Je ne m'intéressais même pas à eux autres. Puis même, au début, je le checkais dans sa chaise berçante, va ramasser des dons pour les oublier. Puis bon, ça a l'air d'un beau bonhomme, mais finalement, bon. J'ai bien rigolé quand Dark Chemist, il a dit « Sac à soufre. » Sac à soufre? Ça devait être un live qui est... Ah, c'est le live à Trinity. Moi, Dark Chemist, je vais le débarrer, là. Bientôt. Mais peut-être que j'aurai plus de nouvelles. Mais moi, finir par le débarrer, c'est pas pour être perpétuel, ça, là. J'ai pas envie de le... Même Vincent Tragin. D'après moi, j'aurai plus de nouvelles, de toute façon. Mais moi, j'aime pas ça, barrer le monde. En tout cas. Ils ont un noyau. Moi, c'est parce que c'est une gang de pêche. Ils ont un noyau, les autres sont des personnes perdues ou ayant un besoin d'appartenance à un groupe. Suppose que certains parmi eux sont de belles personnes manipulées. C'est ça qui est triste. Surtout quand tu prônes l'individuation. Puis, c'est ça, dans le fond. Tu peux pas être créatif. Pour être créatif en gang, il faut être capable d'être créatif tout seul. En tout cas, contrairement aux fraternités anonymes, c'est tous les membres du groupe qui ont droit de vote. C'est ainsi depuis 85 ans. Vous parlez dans quoi? Les fraternités anonymes, les membres du groupe qui ont le droit de vote depuis 85 ans. On parle pas d'eux autres, là. Si on sort de chez nous, l'armée a ordre de tirer sur nous. Quoi? Qu'est-ce que vous me sortez là, vous? Vous êtes dans quel coin, là? C'est une joke, là. Il veut me faire du troll. L'armée a ordre de tirer sur vous. Ah. Monsieur Tragin. Ben oui, mais là, je suis pas pour l'appeler mademoiselle. Ah bon, Marie-Jeanne, je ne me rends pas compte quand on me cherche. Ah. OK, il est venu vous faire du trolling, dans le fond. Ça se peut. Mais. Bon, dépendamment de la personnalité de chacun, il y en a qui sont un petit peu taquins, c'est pas nécessairement mauvais, c'est pas nécessairement bon non plus. Donc, c'est un exemple que ça peut fonctionner, les groupes AA, entre autres. Oui, ça peut fonctionner pour enlever une dépendance à un individu, mais il reste que ça va être il reste que c'est au niveau psychosocial externe. Puis que la personne, ben, le jour qu'elle a plus ses réunions, qu'elle n'a plus son parrain, qu'elle n'a plus, bon, elle fait comment? Ben, elle a de la misère à se rendre compte. Puis aussi, le fait d'intégrer une doctrine selon laquelle l'alcoolisme est une maladie, puis qu'on est malade, puis que ça se guérit pas, la personne, d'une certaine façon, on voit le fonctionnement. C'est-à-dire que je te donne quelque chose qui va réguler ton problème tout en mettant l'induction qu'il ne sera jamais totalement réglé. Donc, la dépendance au groupe est totale. Totale. Puis l'affaire des 12 étapes, puis tout, ben, c'est un petit peu doctrinal. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé, il m'avait amené une réunion au Tim Hortons. Imaginez, là, dans un Tim Hortons. C'était c'était pas une réunion officielle, mais c'était une gang de NA. Puis je les écoutais, là, puis dans le fond, c'est au niveau. La drogue était là pour compenser quelque chose, la dépendance était là pour compenser quelque chose, puis c'est les réunions, puis les liens psychosociaux entre eux qui venaient remplacer la dépendance. Mais la dépendance était toujours là, je le voyais juste avoir l'éthique des gens. Puis d'habitude, c'est pas long, ça me prend quelques minutes. Puis je sais si la personne, c'est un poteux, c'est un preneur de coke, c'est un héroïnomane, c'est pas long, hein? Parce que le corps parle. Le corps parle. Bon, pourquoi? C'était une faute de frappe, je pense. Hein? OK. Pour ça qu'il y a souffrance. OK. Trinity, j'ai lu le live. J'ai vu le live. Vous avez lu le live en commentaire. Mimi, je rigolais parce que j'ai eu un flash de sa dernière présence. Je ne me rappelais pas de lui. Ah. Oui, Virgile, j'ai songé à une faute de. Ah, bon. Bonjour, Marie. Carole, allô, Carole. Vous n'êtes pas la conjointe de Steve, toujours? Je pense pas. Les AA, c'est devenu un meeting de boomers qui boivent du café et qui te regardent de haut. Ah, ben, comme toutes ces affaires-là. Ben oui, mais c'est l'affaire, c'est. Bon, t'arrives là. Bonjour, je m'appelle chose patente et je suis alcoolique. Drette là, il y a un petit problème là. Tu sais, c'est qu'il y a une fusion au niveau de l'inconscient entre l'identité puis l'état d'alcoolisme. Donc, c'est pas des identités réelles, c'est pas réel, c'est pas des identités réelles. Puis quelqu'un qui ouvre toute sa parole en commençant comme ça, déjà là, il est dans un carcan. Puis ça va aller juste dans certaines directions. Dans le fond, c'est super doctrinal, c'est super lourd, c'est super plate. Moi, la thérapie par la parole, je suis pas fort là-dessus, surtout en groupe. Là, il y a de l'intersubjectivité, les gens se polluent entre eux autres. Il y en a là-dedans, c'est carrément du voyeurisme, c'est malsain. C'est vraiment malsain. Ça dépend, là. Mais il y en a, oui, ça leur a sauvé la vie. Leur a sauvé la vie. Mais moi, il y a un alcoolique que je connais. Lui, ce qui est arrivé, c'est ramassé à l'hôpital à cause qu'il est en train de mourir carrément de son alcoolisme. Puis le médecin, il a dit, nous autres, on n'est pas là pour ça. Fait que le prochain coup, tu viens pas mourir ici, tu restes chez vous, tu mourras chez vous. Mais viens pas mourir ici, ici, on est là pour soigner du monde qui veut le vivre. Il a arrêté de boire tout de suite, le monsieur. Ça fait 30 ans de ça, puis il n'a plus jamais rebu. Pourquoi? Parce que le médecin, il a dit le réel. C'est aussi simple que ça. Puis il s'est vu. Il s'est vu aller, le gars. Il a arrêté de boire, ça a fini là. Par contre, il n'est pas guéri de son alcoolisme, dans le sens que je ne l'ai jamais vu boire normalement. Je ne l'ai jamais vu boire. Non, on ne connaît pas de Steve, oh, c'est pour. Oui, c'est essayer de faire du meeting à A et autres, parce que j'ai vu l'addiction au groupe et aux réunions. C'est ça, c'est remplacer une addiction par une autre. Souvent, c'est psychologique. Puis ça reste de la conscience psychologique. C'est limité. Le psychologique peut se réguler par le psychologique, mais il va y avoir tout le temps un jeu de transfert comme ça. Donc, c'est pas pour rien qu'ils disent t'es malade, puis tu vas l'être toute ta vie, ça soigne pas. C'est sûr, c'est pas le choix de partir d'un carcan comme ça. Mais quelqu'un comme moi, avec un discours différent qui arrive, il va avoir l'agressivité de tout le monde contre lui. Fait que j'ai pas d'affaire à. Bon. C'est sûr, c'est comme enlever de la drogue à un drogué. Il va être agressif. Bon, c'est juste, c'est plus la même drogue. Toutes les thérapies sont basées sur les 12 étapes, je sais. Il y a un bonhomme qui a écrit un livre là-dessus. Pourquoi qu'il est parti de. Ben oui, mais ça vient des États-Unis. C'est des sectes affiliées, les évangélistes américains, ces affaires-là. T'as tous des baptistes, me semble, là-dedans, qui ont leur propre patente. Puis bon, je pense même les méthodistes, ils ont des groupes comme ça, mais là, c'est plus dans des États comme au Texas, il y a des méthodistes. Bon, les méthodistes, c'est spécial, ça. Eux autres, c'était des. Il y a longtemps, c'était des huguenots calvinistes, Puis ils n'ont pas accepté la réforme de Calvin, puis ils ont créé le méthodisme, puis c'est une affaire de fou. J'arrive en cours d'Europe, mais n'est pas pour rien. Justement, ma fille, 27 ans, est addict à l'alcool. Ah oui. Il y a beaucoup de femmes de nos jours, de jeunes femmes. Puis bon, le problème des mouvements de AANA, c'est l'identification avec le comportement, ce qui ferme la possibilité de réelle guérison. Et voilà. C'est des attitudes psychologiques, puis c'est de l'identification psychologique. C'est limité, ça. Donc, par contre, ils ont un taux de succès de 80%. Le centre des thérapies ont 8%. Bref, ça fonctionne pour certains, ouais. Mais drette là, donne-moi la force d'accepter, blablabla, blablabla. Ben, c'est sûr qu'ils ont un taux de succès de 80%. Il y a un tri qui se fait drette là. Il y a un tri qui se fait drette là. C'est sûr. Tu sais, la personne, tout de suite, il faut qu'elle reconnaisse là, que c'est une intelligence supérieure qui décide si elle est addict ou pas. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux changer, puis de, non, de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je peux pas. C'est comme des mantras, là. Mais on avait ça dans le catholicisme, les ligues de tempérance, l'ordre de la croix noire. C'était spécial, là. Ils faisaient des processions dans la rue avec leur croix noire. Ça avait l'air d'une gang de pénitents. Je suis abstinent depuis des années et me suis tanné d'entendre et j'aime bien vos interventions. Ah, ben, merci à vous. Même pas du vin, monsieur Pinard. Pareil comme parler de ma maladie, il y a identification à un état de désordre, moi. Il a dit Ahmed, sa deuxième chaîne est Maurice Broccolini. Je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais vu, pardon. Maurice Broccolini. OK. Ben, sa dernière vidéo sur la dépression, je ne l'ai pas écoutée parce que je n'ai pas le temps. J'ai manqué de temps. Puis bon, là, il y avait tellement de nouvelles affaires que, bon, finalement, je peux aller. De toute façon, c'est long. Je trouve ça long. Et les membres de K Meeting stagnent et ne veulent pas grandir. J'ai abandonné pour cette raison. Ben, ça devient. Je n'ai connu du monde qui a arrêté de boire en entrant dans ces affaires-là. Puis c'est normal qu'ils se tiennent avec du monde là-dedans, puis qu'ils socialisent avec du monde là-dedans, parce que pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est insupportable. Ils parlent rien de ils parlent rien de, ça devient des mono-obsessifs. Puis bon, ça fonctionne pareil, quoi qu'on dise, c'est le principal. Ouais, mais il y a un tri au début. Ce qu'on appelle le profilage de personnalité, comme à la scientologie. C'est les mêmes, un petit peu, ça ressemble, moi, je trouve. Ben là, je parle au niveau c'est de la sélection. La sélection qui est faite. Elle a dit, Ahmed, 30 septembre 2020, elle a dit, PDM, il est trou noir sur les patates. Bon, que je voulais que ça me fasse. C'est ça qui est le fun, étant donné que c'est pas une secte, on s'en fout. Que je voulais que je vous dise, elle a pas tort. Ça dépend de quoi on parle. Voyons, le soleil est étonnant. Hein? Faudrait que je trouve quelque chose là. Je pense que j'y arriverai pas. Bon, ça bloque un petit peu là. Maudit. Bon, ben, je fermerai la toile. Ça fonctionne, oui, elle a dit. Ça vient de la religion catholique, non plus rien du tout. Coke, pot, alcool, c'est puissant. Ça m'a sorti de ma réalité plate. Bon. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça vient de la religion catholique? Ben non, les AA et les NA, c'est des protestants américains qui ont parti ça. Puis, il y en a une gang, je me rappelle plus laquelle. C'est un Américain qui a fondé une compagnie d'assurance. Puis à un moment donné, il est arrivé un gars chez nous, vraiment louche, là. Vraiment bizarre. Il voulait pas s'asseoir à la table devant moi, il fallait qu'il soit en équerre. Il voulait être. Puis lui, il travaillait pour cette compagnie d'assurance-là, puis il essayait de me vendre des assurances. Puis il m'avait expliqué ça, là, que le monsieur qui avait fondé ça aux États-Unis, c'était un gars qui tripait la pensée positive. Puis finalement, après, quand j'ai fait une recherche à un moment donné, je trouvais le bonhomme. photographié toute la tricure, le tablier, les gants, la calotte 33, toute la patente. Donc, en tout cas, vous connaissez le canon de Petchelbel? Ben oui. Ben, la musique baroque, c'est ce que j'ai écouté le plus dans ma vie. Petchelbel, oui, ben oui, c'est sûr. C'est un petit peu comme Purcell. Moi, j'aimais beaucoup Purcell. Vous cherchez si il y a des Britanniques que j'apprécie, oui. Purcell, j'aime beaucoup. Ça se ressemble. Moi, aïe aïe. Bonjour Berthold, bonjour Marius Triton. Ah oui. Je me souviens de vous. Mais bon. Ah oui, je me rappelle la visite que j'avais eue de ce gars-là. C'était spécial. C'était spécial. À différents moments dans ma vie, j'ai eu des visiteurs étranges. Visiteur étrange. Puis lui, c'est pas le moindre, là. C'était vraiment spécial tellement. Voyons, j'ai un cheveu. J'avais tellement l'impression que ce gars-là me répétait une cassette puis qu'il essayait des techniques d'induction sur moi. Puis c'était malhabile. Ils m'ont envoyé un petit débutant. Bon, en tout cas, au départ, ça aide à tenir, mais à la longue, ça devient lassant puisque les témoignages se répètent et ça finit par donner des craving. Ben, c'est parce que c'est de la jérémiade à un moment donné. On est tanné. Ma mère buvait, elle m'aimait pas, puis elle me battait, puis ça se ressemble tout. C'est sûr. C'est sûr, ça se ressemble tout. Là, et tout le love bombing, là. La personne arrive, bonjour, je m'appelle chose patente et je suis alcoolique, puis là, tout le monde. Bonjour! On se croirait dans une classe de maternelle à un moment donné. Juste ça, c'est abrutissant. Moi, je trouve ça abrutissant. Ben, de la misère avec ça. J'ai regardé Robespierre aussi. De quoi vous parlez? Maximilien Robespierre, je pense pas qu'il publie sur YouTube. Ça fait un petit bout de temps qu'il est allé. Il est parti avec Saint-Just pour le grand voyage. Bon. Le canon de Pachelbel, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. J'avais présenté ça à la flûte à bec en 6e année, en spectacle de fin d'année. Ah oui. Qu'est-ce que ça me rappelle, moi, les canons de Pachelbel? Ça me rappelle le film Le Père de la Mariée avec Steve Martin. C'est un remake, hein, parce que le premier film, il est en noir et blanc. Puis ça avait été refait, Le Père de la Mariée. Puis je me rappelle, c'est les canons de Pachelbel pendant la cérémonie du mariage, là. Bon, c'est des exemples qui ne me rajeunissront pas. Hein. Bonjour Marie. Mais oui, ce qui est intéressant avec les canons de Pachelbel, c'est entre autres l'intelligence structurelle, harmonique. Puis, la science du contrepoint qui est là-dedans, entre autres. Mais pour être franc, ce n'est pas dans mes morceaux préférés, là. Sylvain Durif qui est venu me dire en commentaire, je ne suis pas une machine, je suis le Messie. Vous avez ce monsieur-là qui est venu vous voir. OK. Le fait que cet homme-là n'est pas enfermé en psychiatrie, à mes yeux, c'est une preuve que c'est un arnaque. Parce que soit il sera en psychiatrie ou bon. Je veux dire, d'habitude, quand quelqu'un dit je suis le Christ, là, je peux comprendre que c'est une vision transcendante par rapport à bon, ça dépend, là, mais là, maintenant, il y a un petit côté. Voyez, là, c'est un petit peu délirant. Pouvez-vous développer sur les 5 creusets? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas. Durif, c'est mon voisin. Ah oui. Pas votre voisin de chambre, toujours à l'hôpital. YouTube Future Unity FR, il a fait une vidéo de 5 livres plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Pendant qu'on est en train de remâcher l'histoire de l'humanité, on perd le présent, là. Des affaires comme le continent de Mu, puis ce patente-là, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Il va falloir muer à un moment donné. Ça va faire, là. Sylvain Durif, je ne vous connais pas. Vous me devez le respect car je l'ai tutoyé. Ah oui. Eh bien. Ben là, peut-être que même là, vous voyez se passer, il faudra dire Seigneur. Seigneur, Sanctus Dominus. Non, il est parti vivre en Afrique à la recherche d'une reine riche. Ah, oh, il avait reçu un courriel. J'en ai un qui me dit être la réincarnation du Christ aussi. Ah, je leur parle maintenant à ceux, ils me distraient, ils ont des points de vue intéressants. Oui, mais ça risque, bon. Je sais pas, ça peut être divertissant, mais il me semble un petit peu. Moi, en tout cas, j'oserais pas qu'elles ont certains. Les vaisseaux de la Vierge Marie. Ça me fait penser ça à Bourdouin. Vous vous souvenez Jules Bourdouin là, qui avait des statues là. Il y avait une petite grosse statue. Il avait fait faire une grosse. Ça avait l'air de Disneyland, ça c'est que lui, il avait fait faire des grosses statues. Puis il y en avait une de la Sainte Vierge. Puis elle avait un fusil laser. La statue, c'était pour tirer sur les vaisseaux Atlantes là. Le Christ cosmoplanétaire. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça là. Ça commence à être grave. Les voisins de Sylvain Durif au Sénégal doivent bien rigoler. Ben, c'est des coins où ils sont habitués à des affaires. Bon, en tout cas. Léon XIV, que tu as déjà barré, dit qu'il est le seul vrai pape et exige qu'on l'appelle monsieur. Ben là, tu sais. Drette là, les papes qu'on faut l'appeler monsieur, il n'y en a pas, là. C'est sa sainteté ou peu importe, là. Saint-Père. Ou Saint-Pierre dans son, tu sais, dépendamment du cas. Mais non, mais regardez, là, dans le temps qu'il y avait, à un moment donné, il y avait trois papes, là. Il y a eu la fosse d'Avignon, puis. Franche, c'est tellement ridicule. Ben là, bon, le pape. Je comprends pas que du monde veuille être le pape. Ça ne me rentre pas dans l'idée. Il faut vraiment être sauté. En tout cas, moi, être pape, la première chose que je ferais, c'est abolir le collège des cardinaux. Puis, ça, il y aurait des petites réformes. Ça, c'est ben, probablement que. Mais là, tu sais, ils veulent tout être pape. C'est parce que c'est de l'impression. Je veux dire, ils sont impressionnés par la forme. Puis, ils essayent de s'approprier la forme. C'est comme un kleptomane. Un kleptomane, il va tout le temps vouloir s'approprier des objets, mais au fond, c'est quelque chose en dedans qui manque. Puis, il y a une projection. En tout cas, c'est la même affaire à quelqu'un qui veut se faire appeler pape, là. Par contre, Sylvain, on ne lui enlèvera jamais son niveau d'artiste musical. Quoi, sa flûte? Il y en a eu des bons flûtistes, hein, sur Terre. Tu sens que ça va pas très bien. Ah, ça va vous, vous voulez dire? Bon, les minérales crient, ah, Chris, il est 11 h, sont en avance. Les minarets. Les effets psychotropes peuvent être synthétisés. Hein? Attends, attends. Les effets psychotropes peuvent être synthétisés par l'intestin grêle, l'homéopathie. Ouais, ben là, notamment quelqu'un qui est en grande souffrance, à un moment donné, on reçoit de la dope. Hein. Moi, quand j'ai des grosses douleurs, des fois, oups, il y a quelque chose. Mon cerveau se met à sécréter de quoi pour que j'aie un petit peu moins de souffrance. Mais bon, j'imagine que c'est tout lié. Trinité, un jour, j'ai marché, j'ai rencontré, je l'ai rencontré en montagne, il me parlait, et au-dessus de lui, une boule de lumière dorée. Je l'ai arrêté, je lui ai dit ce que je voyais. Enfin, Sylvain Durif, ça. Comment qu'il s'appelait l'autre, là, qui avait une barbe, là, qui disait ça, lui, qu'il y a une lumière qui était venue l'instruire. Ça fait un bout, là. Bah, il y avait une chaîne, à un moment donné, c'était Bonnet Rouge, qui a envoyé un bonnet phrygien, puis il était spécial, lui. Mais c'est pas Durif, c'est un autre, un petit peu plus cohérent, je dirais. Il parlait beaucoup, il était parti, lui, sur les pervers narcissiques, ces affaires-là. Il m'a répondu, c'est le vaisseau de Marie. Qu'est-ce que cette illusion m'a appris? Les entités autour de lui sont à l'œuvre, tout simplement. Wow. J'imagine que c'est à l'œuvre autour de tout le monde. Non, non, ceux qui veulent se faire appeler le Messie, le pape, ouais. Bon matin, Siska. Mimi, moi, ça va très bien. Bon, tant mieux. Daniel Meroy, je ne le sais pas. Faudrait que je regarde, je ne l'ai plus. David Maison du Pain, ouais, c'était ça. Il était spécial, lui. Tu sais, je veux dire, on sentait une certaine, un petit peu astrale, là. Mais il avait l'air sincère. J'aimais bien l'écouter. La dernière fois que je l'ai écouté, il était rendu dans une maison de campagne. Puis il s'occupait de chevaux. Puis de gens âgés. Puis non, je le trouvais pas si pire, lui. Bon, là, je suis tanné, là. Bonjour Berthold, ma maison est vide, je déménage, j'ouvre une nouvelle page du livre. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui déménagent. Hey, d'ailleurs, c'est vrai, il y a une dame que je connais qui déménage aujourd'hui. Je vais sûrement me faire interpeller pour y aller. Bonjour Isia, l'oiseau moqueur. Hier, j'ai écouté un audio du Tao-Talking. C'est intéressant, mais j'ai fini crampé parce que ça m'a donné l'idée d'un nouveau personnage. Ah oui. Moi, la première fois que j'ai lu le Tao Te Ching, je me suis rendu compte que mon rapport avec la température était différent quand je lisais ça. Puis tellement que j'ai voulu faire un essai, puis je m'en souviens, c'était vers la fin de l'hiver. Puis la dernière partie du livre, j'étais allé le lire dehors, sans manteau ni rien. Puis il devait faire moins 20. Puis j'ai pas ressenti de froid. Ça fait partie des expériences étranges que j'ai vécues. Mais c'est un texte très, très, très fort. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas intellectué. Ça se pense pas, hein? En tout cas, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Ouais, c'est vivifiant. Très vivifiant. Ben, il y a ce qu'on appelle les canons du taoïsme, qui est certains livres, là, spécifiques. Puis oui, c'est vivifiant. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais je vais tout le temps m'en souvenir de ça, parce que ça m'avait frappé. Je sentais plus froid. En tout cas, c'était spécial, là. Puis après, je me suis intéressé au phénomène des Tummo. Ça a été, en tout cas. Le pape du rap de Lucien Francoeur. Oh, Lucien Francoeur. Le rap à. C'était quoi donc le rap à Billy? Rapabilé. Ben, c'est le premier rap québécois. Ben avant, c'était quoi, Rock et Belles Oreilles, là? Ben oui, ben Lucien Francoeur, moi, je trouve qu'il était un petit peu regardé de haut par la communauté artistique. Puis, c'est un prof de français, me semble, ce gars-là. Il est pas si pire. Les Tummo, ouais. Ouais, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène-là parce que. Mais avant, j'avais eu ce que les chaleurs mystiques en lisant Sainte-Catherine de Sienne au niveau du plexus solaire. Tellement que je dégageais de la chaleur. Je me trouvais ça spécial. Tellement que ben, c'est comme j'ai tout le temps une température un petit peu plus haute que la moyenne. C'est pour ça, à un moment donné, j'étais inquiet. Je me disais si. Vous savez, quand ils vous testent là, avec un laser, là, je disais, s'il faut que je sois vu comme faisant de la température. Bon, en tout cas, j'ai eu tout le temps très chaud depuis des mois. Ah oui. Ben, j'ai remarqué ça quand je parle avec du monde, il y a certaines personnes, si je parle avec elles, je me mets à avoir froid. Et j'ai fini par le voir comme un indicateur de quelque chose. Puis, c'est comme que ça, j'avais vu donc, du monde qui avait confronté des apparitions en Angleterre. La dame, qui était une dame très, très matérialiste, très, très terre à terre, très rationnelle, elle était tannée de voir des apparitions spectrales dans sa maison. Puis, elle s'est plongée les mains dans une apparition, puis elle s'est gelée les mains. Assez spécial. Je dois quitter. Bonne journée. Bon, ben, au revoir. J'ai tout le temps très chaud. Moi, c'est intéressant, ça. D'un autre côté, bon, il y a des états. C'est comme par rapport à la suggestion mentale, les exercices de base, les choses les plus simples, ça va être de jouer avec la température corporelle. Puis bon, des fois, il s'agit juste d'imaginer très clairement qu'il fait chaud, puis on a plus chaud. De la même façon que il y avait un vieux truc qui est connu pour agrandir dilater les pupilles. C'est, vous imaginez intérieurement un ours qui fouille dans les poubelles la nuit, puis vos pupilles vont se dilater un petit peu. Donc, c'est des phénomènes assez. Moi aussi, parfois, j'ai froid où je me mets à transpirer. Ah oui, bonne journée. Oui. Dans notre ressenti commun, ressentons le temps cosmique par rapport au temps planétaire. Le temps, c'est une perception. Je parle pour nous autres. Mais c'est un lieu. Comment je pourrais dire ça? Le temps, c'est une perception, mais c'est un espace aussi. Donc, bon, pourquoi je dis ça? Ressenti comment ressent-on le temps cosmique? Est-ce que le temps est ressenti ou perçu? Les mots sont importants. Moi, j'ai un anti-transpirant qui dure 3 jours, mais ne vous inquiétez pas, je me lave quand même. Ben, j'espère bien. Non, ben, vous savez, on voit ça des fois, hein, si vous allez à Montréal, des dames indiennes, je parle de l'Inde, là, des dames hindoues, avec les saris, puis ils mangent tellement d'épices que leur métabolisme, on dirait que, je veux dire, ces gens-là, ils sentent pas la soeur, ils sentent les épices, ils sentent la cardamome, puis le cumin, des choses comme ça. Mais le cumin, ça sent déjà un peu bon. Mais il reste que moi, j'avais remarqué ça, l'ail. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup d'ail, puis il y a des périodes dans ma vie où j'en mangeais plus. Puis j'aime bien l'ail cru. Puis oui, ça donne une mauvaise haleine, même le corps, l'odeur du corps change quand on en mange beaucoup. Mais ça s'adapte, puis à un moment donné, même manger de l'ail ne donne pas une haleine d'ail. C'est étrange. D'autres des affaires d'enzymes. Mais bon. Dans les pays chauds, on boit des boissons amères pour repousser les moustiques. Bon, ben oui, comme le melon amer, très populaire au Vietnam, mais je sais pas si c'est pour repousser les moustiques, là. De toute façon, ils sont forts sur l'huile de citronnelle, les autres, là. Ça marche bien. Très bon, l'huile. Ah. Moi, je vois pas. Connaissez-vous le retour du Jedi? Non. Non, j'ai jamais été capable d'écouter ça, ces films-là. Je trouve ça mauvais. Je trouve ça réellement mauvais. Je suis pas capable. Je trouve pas ça bon. J'embarque pas dans. Ouais, si vous saviez ce qu'ils font pour se débarrasser de certains locataires qui gênent leur plan. Ils se servent du prétexte des rénovations pour pouvoir augmenter le loyer aussi les rénovictions. J'ai pas le temps de vous lire, Trinité. Moi, les rénovictions, moi, j'ai vu ça, là. Il y en a, ils vont juste engager des gens pour faire des trous sur le toit pour que le toit coule, là. Il y en a, c'est des gens d'affaires cyniques. Cyniques dans le mauvais sens du terme, là. Est-ce qu'il fait très chaud en été dans ta région? Ben, moi, je trouve que oui. Je trouve que oui, vraiment, là. Mais bon, je suis entouré de gens qui se plaignent qu'il fait froid tout le temps, puis ils se plaignent qu'on n'a pas d'été. Ben, moi, je trouve qu'il fait chaud l'été ici, même, moi, que je trouve ça insupportable des fois, là. Mais oui, je trouve qu'il fait chaud des fois, il fait presque 30, là. C'est même trop chaud. Je suis confortable autour de 14, 12, 13, 14. En haut de ça, je commence à avoir chaud. Parlant du temps, comment expliquer la perception de l'accélération du temps par le référencement mémoriel? On connaît un enfant de 8 ans. Pour lui, une semaine, c'est très long, mais ça représente un fort pourcentage du temps passé, de son vécu. Tandis que pour quelqu'un de 80 ans, une semaine, c'est pas long, mais ça représente un très petit pourcentage de son vécu. La perception est liée à l'âme. C'est donc, si une incarnation dure longtemps, le temps est distorsionné parce que c'est une perception. Donc, c'est ça. Et comment reconnaître la marque de l'esprit au quotidien? Ben, c'est pas dur quand il vous arrive une bad luck. Souvent. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, là. Quand, des fois, on le sent que c'est pas fortuit. On le sent que c'est pas fortuit. Quand je fais un direct, si je fais 2 heures, ça me paraît 10 minutes. Ouais, j'ai déjà vu ce phénomène-là. Même, il y a une dame avec qui j'avais discuté par Skype, puis à un moment donné, il a fallu que je dise, ben là, il faudrait arrêter, là, ça fait près de 7 heures qu'on parle. Puis, je ne s'étais pas rendu compte. Mais, je le vois aussi un petit peu avec David Lévesque. Parce que des fois, après 3 heures, lui, il s'en rend pas compte, mais à un moment donné, c'est fait assez long, là. Mais là, je le sais qu'il veut faire des entretiens moins longs. J'ai dit que j'allais prendre une pause, là, on va attendre un petit peu, puis après, on fera des entretiens moins longs. Parce que bon, quand il est. Moi, d'habitude, je me couche vers 22 heures. Puis là, si je suis en mode de parler de certains sujets, puis il faut que j'aille me coucher, ben souvent, je vais me coucher, et puis là, je m'endors pas. Je suis obligé de me donner l'ordre de dormir, de me forcer à dormir, de me vider complètement la tête, puis c'est parce que ça tire de l'énergie un peu, à un moment donné. Donc, merci pour votre réponse sur le temps. Ben, pas de quoi, mais faut pas non plus prendre ce que je dis comme si c'était une autorité, là. Je vous donne mon opinion, la perception que j'en ai. Donc, jamais, jamais prendre rien pour du cash. Jamais. Puis, bon. Là, justement, c'est comme ça qu'on va éviter un paquet de problèmes. Un paquet de dérives. Prenez, je pense, Fergus, je pense qu'il a été accompagné par Mona un petit peu. Mona, elle était, si on peut dire, un petit peu on dirait une séminariste à Ménard pendant un bon bout de temps. Ménard, je ne l'ai pas connue. Puis Mona, je n'ai jamais discuté avec elle, je ne la connais pas du tout. Puis pourtant, Mona, je la considère comme compétente. Puis. Mais c'est justement parce que c'est un milieu où la première affaire, c'est de pas croire. Donc, il peut pas avoir de mésentente tant que ça. La journée où il y en a un qui va vouloir comprendre ce qu'il dit pour comprendre ce qu'il dit pour du cash, ça va vouloir dire qu'il n'y a pas son contact. Que ça va être l'évidence même. Fait que bon. On a moins de dangers de dérive dans ce milieu-là que dans d'autres milieux. Parce que les personnes qui se prennent au sérieux, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. La base, c'est faut que vous voyez par vous-même, puis vous vous arrangez avec. Fait que bon, ça évite bien des problèmes. Ça évite bien des problèmes. On n'aura pas à se faire des vestes de cuir par papy avec des pins. De toute façon, si jamais un jour je m'habille de même, s'il vous plaît, mettez-moi une balle dans la tête. Je voulais juste votre façon de voir. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est correct. Parce que la minute là, qu'on va commencer à considérer que c'est coulé dans le béton, ces affaires-là, on est faites. On est faites. C'est expérimental, hein? Puis là, pas au sens comme il y en a qui disent dans le coin du Mont-Saint-Hilaire. Si les vivants arrêterait de nourrir psychiquement la mort, l'astral, est-ce que l'astral disparaîtrait? Est-ce que cela va arriver? Ben non. Moi, je le vois pas comme. Ben, il y aurait de la lumière, il y aurait de l'expérimental qui s'accumulerait comme mémoire pareil. Mais là, peut-être que pour une fois, ce plan-là nous nourrirait au lieu du contraire. Mais non, je pense pas que ça. Je veux dire, le principe d'enregistrement de l'expérimental dans de la mémoire, ça disparaîtrait pas, là. Parce que sinon, on pourrait plus fonctionner. Si on enlève l'astral totalement, on peut plus fonctionner. Parce que, sans le savoir, on est en contact avec la mémoire de l'humanité. Puis moi, bien souvent, il y a des affaires, ça me sert. Ça me sert. Pendant le confinement, je me suis dit, bon, je vais m'amuser à sculpter des petites pièces de marqueterie, puis des petites pièces de menuiserie, puis d'ébénisterie. Mais je voulais quelque chose genre l'ère Ming Guo, là, dans le temps de la Jeune République que j'ai eu dans le temps avant les guerres des seigneurs de la guerre en Chine. Puis je me suis connecté avec des mémoires, puis j'ai pu fabriquer des objets comme ça. Puis j'avais tout d'un coup, momentanément, j'avais l'expertise de comment fabriquer ces objets-là. Puis bon, ça m'a servi, ça m'a fait passer le temps, là, des fois quand c'était un petit peu, bon, c'était un petit peu lourd. Mes voisins ils se promenaient autour du bloc, puis ils me voyaient sculpter. Puis ils avaient l'air comme surpris de la façon que j'étais assis en tailleur par terre avec les ciseaux à bois, puis j'étais très habile. Je me suis pas blessé. Pourtant, de la façon que je travaillais, c'était clairement pas typique de ce qu'on voit en Occident. J'avais ma pierre aiguisée à côté, mais je m'amusais. Mais il reste que c'est pas nécessairement mauvais, là, d'être en contact avec des mémoires. L'affaire, c'est que ces choses-là doivent nous servir, pas le contraire. C'est tout juste ça. On nourrit un monde au lieu de. Mais ça revient tout le temps à ça, hein? Comme par exemple, à un moment donné, il y a des anges, puis il y a une rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas servir l'être humain. Ils veulent se servir de l'être humain, c'est ça, les anges rebelles. Ils veulent être adorés. Mais ça revient un petit peu à ce principe-là. Le problème avec l'astral, c'est qu'on le nourrit. Puis c'est lui qui serait censé nous nourrir. Mais l'affaire, c'est qu'on n'enregistre pas de la mémoire expérimentale consciemment, on l'enregistre inconsciemment. Donc, on est en train de fabriquer, on a fabriqué l'astral à l'image de notre inconscience. Moi, je le vois comme ça. Puis c'est pour ça que l'intelligence artificielle, ça n'a pas le choix d'être belliqueux puis dangereux, parce que c'est fait à l'image de l'homme. Donc, bon. Comment ça se fait que tu puisses avoir des bonnes idées sur toutes nos questions? Je trouve ça intéressant, un peu, je suppose, pas important. Je vais juste rester disponible, je regarde. C'est tout. Quelle question posez-vous à celui qui parle dans la tête pour vérifier que c'est bien l'ajusteur? Y a-t-il un tu dans le dialogue, mais les autres, moi, non, ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, non, pas besoin. Si je me mets à, on peut questionner le contact, oui, mais là, ça dépend là, ce qui se passe. C'est arrivé des fois que ça me sort des affaires, je dis, pourquoi tu me dis ça, là? Plus, c'est intelligent ce qui suit, les pensées qui suivent, c'est correct, mais le reste, là, j'aimerais parler de la sexualité dans l'intégration. Ben, comment je pourrais dire ça? Ben, s'il y a des problèmes de ce côté-là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. La conjointe à Bernard avait fait de la consultation, puis c'est dans les premières questions qu'elle a posées, pareil. C'est comment ça va de ce côté-là? Là, elle pouvait voir c'était quoi les blocages, c'était quoi les. Bonjour, Jean. Mais c'est pas central. Je vais devoir quitter bientôt, ça fait 1 heure. Donc, les mémoires ne sont pas tous vampirisantes. Il y aurait plusieurs types de mémoires, défavorables, des indifférentes, des aliénantes, oui. Ben, on peut pas fonctionner sans mémoire. On peut essayer, je veux dire, mais on aurait des problèmes, là. Même juste aux échanges, bon, le fait d'avoir lu sur la philosophie, ça te donne un vocabulaire. Puis tu t'en sers consciemment. Donc, c'en est ça de la mémoire. Ça en est de la mémoire favorable, c'est-à-dire que tu as développé quelque chose au-delà de la forme par rapport à ta conscience, donc tu peux te servir de la forme au lieu de servir la forme. Je le vois un petit peu comme ça. J'ai écouté plusieurs antennes supramentales, elles ont les mots justes en lien avec le supramental, mais je ne trouve pas la vibration. C'est-tu moi qui n'ai pas réceptif? Ça, c'est long, la vibration. Moi, la vibration, je l'aperçois chez tout le monde. Pas nécessairement la vibration supramentale, mais je veux dire, ça sent la vibration de quelqu'un. Tellement que je me pose plus de questions. C'est-à-dire que c'est arrivé souvent que des gens m'envoient des liens de des lanceurs d'alerte du monde de même. Puis je répondais, ah, lui, je le suivrai pas. Puis la personne, elle me dit, pourquoi? Ben, j'aime pas sa vibration. C'est aussi simple que ça. Hein? Je me pose pas d'autres questions. Je regarde ça, puis je regarde. Puis c'est tout. Si la vibration ne dit rien, c'est comme un peu comme à un moment donné, qui c'est qu'il y avait les premiers temps, là, c'est certes, moi, c'était pas long, hein. Comme la première fois que j'ai vu Alexis Cossette-Trudel, j'aimais pas sa vibration. J'aimais bien le gars, mais j'aimais pas sa vibration. C'est tout. J'ai pas besoin de plus que ça pour écouter ou pas écouter. Je regarde ça. C'est comme, à un moment donné, j'avais une amie, puis une femme qui était venue cogner à la porte parce qu'elle avait des problèmes avec son auto, puis elle avait besoin de passer un coup de téléphone, puis elle avait pas de téléphone. Puis j'avais dit à mon amie, j'ai dit, elle, c'est un paquet de troubles. Puis tu vas la revoir. Puis comme de fait, la madame a intervenu, puis, mais je l'avais senti tout de suite, c'est vibratoire. La vibration, elle avait cette vibration-là. Ben, il y a eu tout qu'elle avait des grosses croix, grosses de même dans les oreilles, là. C'est jamais bon signe, là. C'est sûrement pas par piété. Mais il reste des choses comme ça. La femme de Bernard de Montréal est-elle toujours en vie? Oui. Moi, sa première conjointe, ben, la mère de sa fille, oui. Il me semble bien qu'elle est toujours en vie. Elle doit être âgée maintenant. Puis, une autre conjointe qu'il y a eu, je pense qu'elle est en vie aussi. Je pense David Lévesque parlait à une des deux, mais je ne sais pas laquelle. La saturation de l'information officielle et non officielle, dit complotiste, devient accablante. Nous nourrissons des égrégores. Moi, c'est pour ça que, bon, je prends rien pour du cash non plus. L'affaire, c'est que ce qu'on a à savoir, c'est des affaires qu'on sait déjà. Je veux dire, c'est tout écrit. Ça a tout été décidé d'avance. Ça fait que, bon, le reste. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ils attaquaient les médecins qui ont écrit, le collectif qui ont écrit une lettre, là. Le collège des médecins va leur taper ses doigts. En même temps qu'en Europe, ça commence à sortir, puis là, Perron, il était acquitté, puis, ben, il est acquitté, il était pas vraiment, bon. En tout cas, il gagne ses procès, puis en même temps que ça sort aussi aux États-Unis, dans certains États, puis tout, ils citent, on est encore arriéré de 8 mois. Puis le collège des médecins est encore à vouloir taper sur les doigts du monde qui vont gagner s'ils se défendent bien, puis ils vont gagner. Puis le journal est encore à dénigrer du monde, puis à les faire passer pour y répandre des faussetés. C'est parce qu'on est en retard au Québec, on est dans un vase clos, puis tout est en retard, tout le temps. Comme là, ils parlent de remettre le masque peut-être en Allemagne, puis c'est sûr que ça va, bon, il y a des bonnes chances, ça revienne ici, hein? Oui, c'est une amulette psychologique. C'est ça que c'est, dans le fond. C'est un objet de liturgie. L'étiquette respiratoire, là, c'est une amulette psychologique et un objet de liturgie. Moi, je le vois de même. Puis, les médias, toute la gang sont contrôlés. Ben oui. Ben oui. Mais ça, bon. Mais au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Même si en France, regardez, c'est acquis le journal Le Monde, le bon. C'est tout au même monde, mais ici, c'est encore pire. Peut-être qu'il ne faudrait pas s'occuper de ces informations complotistes. Ben là, c'est parce qu'on ne s'occupera plus de rien. Ça dépend de quoi, là. Ça dépend lesquels. Le problème, c'est qu'on est submergé d'informations, on est noyé dans l'information. Fait que c'est juste d'avoir du discernement. Il y a bien des choses, je le sais, par déduction. Pas besoin de. En France, c'est très dur avec ce chaos. Oui, ça commence à. Là, on voit la tension sociale en France. Intervenu. Maxwell possède une grande part de nos médias. Ah, tu parles de la famille, le tabloïd de Sun, là, puis le bonhomme Maxwell, là. Ouais. Mais là, de toute façon, c'est quoi ces affaires-là? Ben, c'est lié à CIA, c'est lié au Mossad, c'est lié au service anglais. Et dernière nouvelle, le pipeline, là, le gazoduc qui a été sauté, là. Les Russes y accusent les services anglais. Surprise, surprise, surprise. Moi, ça me surprend pas, là. Moi, la femme à Epstein, ben oui, c'était la fille de Maxwell, de Sun. Hein? Mossad, ben oui. Ben, dans le fond, Ghislaine Maxwell, là, c'était la bosse à Epstein. Ils nous font passer comme c'était lui le boss. Puis elle, c'est une pauvre victime, elle était manipulée. Ben non, c'est sa bosse. C'était son employé, dans le fond. Elle était là pour le surveiller, entre autres. Puis, en France, il y a une grande tristesse de plus en plus, mais comme une soumission. Ouais, c'est pas de la résilience. Vois-tu un réveil dans le chaos collectif mondial? Non, j'en vois pas. J'en vois pas. Il y a du réveil au niveau individuel, mais collectif, j'en vois pas. Les Français ont peur. Ben, ils ont raison quelque part. L'affaire, c'est que ça sert à rien. Voyons, on a donc ben de la misère avec le soleil. Oui, il est au-dessus, lui. Ben oui. Ben oui. Un berger s'est suicidé la semaine dernière. Ben, on va le voir, les cultivateurs, les gens qui sont dans les métiers par rapport à l'agriculture, par rapport à les productions. Ben, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ben, regardez en même tous les agriculteurs qui se sont suicidés en buvant leur Roundup. C'était voulu, c'est tout pensé. Le monde, il pense que quand ils font ça, ils font une protestation, c'est un geste de courage. Non, vous avez été conditionné à faire ça. Prenez l'affaire France Télécom, où je ne suis plus trop la compagnie. Les gens en ressources humaines, ils harcelaient des employés pour qu'ils se suicident, pour pas avoir à leur payer de retraite. C'est ça comme gestion, là. Si vous vous suicidez, là, ça veut dire que vous perdez sur toute la ligne. Puis c'est accomplir ce que ces gens-là veulent de vous. Donc, vous êtes censé avoir au moins une certaine colère contre ça, puis c'est supposé au moins vous donner la pulsion de vie. On peut pas laisser gagner du monde, des gens monstrueux comme ça. C'est inacceptable. Juste ça, c'est assez pour vouloir toffer jusqu'au bout. On va toffer jusqu'au bout. Ne serait-ce que par curiosité de voir ce qui va arriver. Donc, tu sais, on va mourir de toute façon. Fait que, aussi bien, c'est un peu comme une partie d'échecs. Faut avoir le courage de jouer au moins, même si on sait qu'on va perdre. Parce que c'est surtout si on abandonne que là, c'est total comme défaite. Mon père est retraité agricole, il a vu son monde s'écrouler en partie. Ben oui. Ben ici au Québec, on a le Parti communiste, là, Québec solidaire. Eux autres, ils voulaient taxer tous les gens qui ont tant de. Imaginez tous les cultivateurs, ils étaient vus comme des super riches. C'est pas parce que tu as une ferme qui vaut 1,5 million que c'est comme si tu avais ce cash-là à la banque. C'est pas de même, ça marche! Maudite crise de tabarnak, que j'en ai plein le cul de des hosties de cave de crise qui ont étudié en sciences sociales par des hosties de niaiseries, que crise, c'est du pelletage de nuages, hosties, puis eux autres, ils décident qui a de la valeur puis qui n'a pas, puis ils comprennent rien, puis ils savent rien. C'est de l'ouvrage d'une terre, c'est pas des riches. Bon, en tout cas, ça fait déjà quelques temps. Qu'on nous parle des urgences qui débordent, ben, ouais. Ben, ils nous préparent l'hiver, hein? Les maladies respiratoires chez les enfants, bien entendu, ils ne voyaient aucun lien avec leurs mesures. Les crises de mesures de débiles. Puis je le disais, même avec que ça soit mis en place, je le disais dans une entrevue, je disais, ça va tuer bien plus de monde que ça va en sauver, c'est l'évidence même. Donc, moi, je pars de l'idée que ces gens-là sont pas si stupides, donc que c'est ça leur but. C'était ça le but, là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, doit être une petite mousse. La gestion devient insupportable, mais personne. Non, assez de pulsions de vie, sauf quelques personnes qui ont une vraie famille. Ça devient très important, la famille. Je vais devoir quitter bientôt, mais c'est un des piliers qui attaque. Donc, ça veut dire que c'est un des piliers que vous allez défendre. C'est pas compliqué de voir qu'est-ce qui est important pour la survie, c'est ce qui est attaqué. Donc, la famille, l'agriculture. Quelqu'un que je connais disait. Toff Laronne, c'est un homme. Ben ouais, mais. Ben ouais, mais on n'a pas le choix. De toute façon, on va toffer Laronne. On regardera qui tombe en chemin. Parce que des fois, c'est ceux qui disent ça qui. Tu t'en vires d'abord, ils sont plus là. C'est comme aller à la guerre quand tu es allié de l'Italie. Couvrez-nous, puis là, il n'y a plus personne. Bon. On nous prépare les mesures sanitaires et peut-être plus sévères. Moi, ça, je suis curieux. J'ai hâte de voir. Trudeau, Macron, des young leaders à Davos, ils me font vomir, mais ça fait partie du plan qui me rend malade physiquement. J'arrive difficilement à contenir l'énergie de ma colère. Ben, c'est pour polariser sans être une pulsion de vie. Vous pouvez en faire une pulsion de vie. Les fermiers ont seulement un pouvoir d'achat ou d'emprunt. Bon, en tout cas, j'ai lu ce matin qu'une province canadienne prenait ses distances avec le forum de Davos. Ça parle à quelqu'un. C'est pas l'Alberta, ça? Ouais, puis ils veulent gracier les gens qui étaient accusés de pas suivre. En tout cas, c'est ça, là. C'est clairement ni le Québec ni l'Ontario, ça c'est sûr. C'est sûr. Merci pour ce rendez-vous du samedi, c'est très apprécié. Bon, ben merci à vous. Moi, je vais devoir quitter. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Puis vous regarderez ça si vous pouvez, là, l'entrevue de Papy. C'est intéressant. Bonne journée.